Rappelle-moi comment on dit « je veux ». Voglio. Voglio. Et je voudrais Vorrei. Vorrei. Vorrei. V-O-2-R-E-I. Vorrei. C'est un conditionnel. Le conditionnel sert à parler, non pas de ce qui se passe effectivement, mais de ce qui se passerait si telle ou telle condition était réunie. Par exemple, j'étais riche, j'achèterais un bateau. Je lui parlerais bien, mais il n'écoute rien. Vorrei est le conditionnel de volere, vouloir, ce qui veut dire que la terminaison rei, R-E-I, rei, représente le conditionnel, et ce, quel que soit le verbe. Pour le futur, ce sont les terminaisons ro, ra, remo. Et c'est la même chose pour le conditionnel. On retrouve le même R suivi d'une syllabe sur laquelle on insiste. Mais cette fois-ci, c'est rei au lieu de ro. Par exemple, si vous voulez dire je l'achèterai, donc un futur, rappelez-moi d'abord comment on dit acheter. Comprare. Donc, dites-moi, je l'achèterai. Lo comprarò. Non, comprarolo. Non, on ne rattache pas le lo à la fin, si? Je ne sais pas. À vous de décider. Lo comprarò. Effectivement, l'acheter avec l'infinitif donnerait comprarlo. Mais je l'achèterai au futur donne lo comprarò. Au futur et au conditionnel, que se passe-t-il avec les verbes en are? Ah, c'est le verbe en entier. Comprarò. Non. Comprarò. Vous n'y êtes pas encore. Que devient au futur le A des verbes en are? Ah, le A devient E. Lo comprarero. Vous savez comment on dit acheter. Vous savez que ce n'est pas comprarare. Non, c'est comprare. Comprare, oui. Et la terminaison du futur ne s'ajoute pas à celle de l'infinitif. Elle la remplace. Ah, lo comprerò. Voilà, lo comprerò. Je l'achèterai au futur, lo comprerò. Et maintenant, pour dire je l'achèterai au conditionnel au lieu de ro, on a rei. Oui. Lo comprerei. Bien, lo comprerei, c'est ça. Dites-moi maintenant je le ferai, c'est-à-dire un futur. Lo... Je le ferai. Lo farò. Lo farò. Oui. Et comment dites-vous « je le ferai » au conditionnel? Lo farei. C'est ça. Lo farei. On conserve le même « r » qu'au futur, mais au lieu de « ro », ça devient « rei ». Dites, par exemple, « je parlerai avec lui ». Lui se dit « lui ». Ça s'écrit comme en français, « l-u-i ». Mais bien sûr, le « u » se prononce « ou ». Alors, « je parlerai avec lui ». Parlerai, futur. Parlerò con lui. Parlerò con lui, tout à fait. On peut dire aussi, comme en français, « je lui parlerai ». Rappelle-moi comment on dit « lui », quand il s'agit en fait d'un « à lui » déguisé. Comme dans « je lui parlerai », c'est-à-dire « je parlerai à lui ». Li. Li. Très bien. Donc, « je lui parlerai », futur. Li parlerò. Voilà, li, G-L-I, li parlerò, je lui parlerai. Donc, vous pouvez dire soit je lui parlerai, soit Je parlerai avec lui. Qui se dit comment déjà? Parlerò con lui. C'est ça. Parlerò con lui. Et maintenant, comment diriez-vous je ne lui parlerai pas, c'est-à-dire inconditionnel. Non li. Li. Li. Non li parlerei. Bien, oui. Non li parlerei. Ou alors, je ne parlerai pas avec lui. Non parlerei con lui. Voilà. Non parlerei con lui.